Bonjour, voici en rediffusion l'émission que j'avais proposée avec Bernard Cerchiglini le 1er décembre 2018, Féminiser les mots, portée d'une querelle. Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin. Alors tous les mots avec un muet, la juge, la poète, la peintre, on n'a pas besoin de mettre ce fameux S qui est devenu péjoratif. Comme on dit une gonzesse, ministresse, c'est une plaisanterie, on dira la ministre. Quant à coureuse, pourquoi pas? Un coureur aussi, c'est un coureur de jupons, hein, et quand il s'agit d'un coureur cycliste, personne ne pense plus aux jupons. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney. Bonjour, le titre du livre que j'ai sous les yeux s'impose joyeusement à l'attention. Le ministre est enceinte. Joyeusement, oui, joyeusement, mais au service d'une question qui est fort sérieuse. Il s'agit de la féminisation des mots qui désignent les fonctions officielles et les métiers exercés. Je me devais d'inviter l'auteur Bernard Cerchiglini, linguiste averti et toujours attentif à l'épaisseur historique du français comme à ses variantes géographiques. Professeur à l'université Paris 7, il a été longtemps recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Dans l'ouvrage dont je parle et qui vient de paraître, il nous raconte selon quels tours et détours la France a connu depuis une trentaine d'années, au fil de querelles passionnées, une évolution destinée à laisser stupéfaits et souvent révulsés les tenants du conservatisme dans ce domaine. Un conservatisme qu'on ne peut pas d'ailleurs en l'occurrence dire réactionnaire, car on ne sait pas toujours que dans un passé lointain, plusieurs siècles en arrière, la langue française s'était montrée avant qu'on ne la corsette d'une remarquable souplesse à cet égard comme à d'autres. Et voilà que nous est donnée sur le long terme une concordance des temps qui est peut-être inattendue, mais qui s'impose à l'attention et à la réflexion. Le va-et-vient dans la longue durée est voué à nous confirmer, s'il en était besoin, que la langue révèle toujours beaucoup sur l'état des sociétés, d'une époque à l'autre, d'un pays à l'autre. Et en l'occurrence, elle nous parle du statut de la femme, cantonnée ou non, selon les époques, dans la sphère privée et dans les activités domestiques. Sous cet éclairage, la question de la féminisation des mots tels que promus ou freinés au cours du temps prend une dimension bien plus considérable qu'il ne pouvait sembler au premier abord. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Sénateur, je veux bien croire que votre langue a fourché, dit Madame la Ministre. Vous parlez... D'accord. Vous voulez qu'on rentre dans ce débat-là ? Je suis absolument désolée, mais je vous demande de m'appeler Madame la Ministre. C'est comme ça. Non, je ne veux pas que vous m'appeliez chère amie, je veux que vous m'appeliez Madame la Ministre. Ah ! Eh bien alors, comment pouvez-vous prétendre alors répondre et parler au nom des Français ? Vous me parlez d'aspiration des Français. Mais une aspiration des Français, c'est l'égalité femmes-hommes, monsieur le sénateur. C'est ça la réalité. C'est non seulement l'égalité femmes-hommes, mais c'est aussi que nous répondions à certaines de leurs... Mais je fais comme vous. Parfois, je profite d'une tribune pour parler d'un tout autre sujet. Et en l'occurrence, là, il est ancré dans la réalité. Monsieur le sénateur, je vous demande de m'appeler Madame la Ministre. Le débat est clos, c'est comme ça et c'est pas autrement. Bernard Cerchiglini, bonjour. Bonjour. Nous venons d'entendre Brune Poirson, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, tout récemment. On était le 20 novembre dernier, qui reprend le sénateur Gérard Longuet, ancien ministre notamment de la Défense, Gérard Longuet qui l'a appelé Madame le Ministre en insistant sur ce point. Actualité, non, de notre sujet. Total, c'était il y a 10 jours. Grand bonheur d'entendre l'assurance tranquille de cette secrétaire d'État qui exige qu'on le reconnaisse linguistiquement sa féminité. Mais chagrin de voir qu'il y a 10 jours seulement, un sénateur défendait ce corset, pour reprendre votre terme, imposé à la langue des femmes. Il y a à peine plus de 30 ans encore, cette formule aurait paru iconoclaste, insupportable dans le monde parlementaire et ailleurs. Je voudrais que vous évoquiez, pour commencer, que vous évoquiez les grandes batailles sur ce thème, dans l'ordre du politique. Je pense à 1984, la gauche étant au pouvoir, et à 1997-98, la gauche étant revenue avec Lionel Jospin au pouvoir dans la cohabitation. Ce qui est étonnant, c'est que en France, on a freiné pendant plus de 30 ans un changement linguistique qui est naturel, conforme au génie de la langue, conforme à son histoire, et qui socialement juste, et qui s'est développé naturellement au Québec, en Belgique, en Suisse. Il a fallu des luttes politiques pour faire bouger les choses, et encore en 30 années. Ce qui s'est passé après 81, c'est que les revendications féministes qui étaient individuelles mais légitimes, contraception, avortement, sont passées au plan social pour l'égalité dans la profession. Et après l'élection de François Mitterrand, un ministre, Anicet Le Pors, a préparé une circulaire pour que la fonction publique soit ouverte également aux femmes comme aux hommes. Avec l'approbation de la ministre chargée. Yvette Roudy. On disait encore le ministre d'ailleurs. Mais elle Yvette était Roudy. Le ministre délégué aux droits des femmes, à son grand chagrin également. Mais on a découvert qu'on manquait de termes féminins pour produire des offres d'emploi. Et donc, on a fait ce qu'on fait toujours en France, quand on manque de vocabulaire, on crée une commission ministérielle. Quand on manque de mots dans les composants électroniques ou dans la télédétection aérospatiale, on fait de même. Mais là, ça a changé. Cette commission a été présidée par Benoît de Groux, formée d'éminents linguistes, elle a bien travaillé, mais il y a eu un lever de bouclier de la presse qui s'est moquée de cette commission d'une façon scandaleuse et aussi une réaction forte de l'académie qui a réussi à enterrer les travaux de cette commission. La gauche au pouvoir qui avait aboli la peine de mort contre l'opinion a cédé devant quelques puristes. Il a fallu attendre 97, l'arrivée de Lionel Jospin, convaincu de la parité homme-femme dans la langue, de ministres dont Ségolène Royal, Elisabeth Guigou, première femme ministre d'un ministère régalien, et aussi un accord bienveillant avec Jacques Chirac. C'était le seul moment de la cohabitation heureuse pour que on bouge les choses au plus haut niveau, en Conseil des ministres, que l'on nomme des femmes ambassadrices. Une ministre étant intervenue un jour à l'improviste en Conseil des ministres. Je raconte cela dans mon livre, ne respectant pas le huis clos du Conseil des ministres. Une ministre, alors que l'on nommait des femmes directeurs d'administration centrale, lève la main, on n'a pas le droit de le faire, et demande la parole et demande au président Jacques Chirac quand va-t-on cesser de nommer des femmes directeurs d'administration. C'était le 17 décembre 1997. Oui. Peut-être est-il injuste de dire que la commission de Benoît de Groult n'a obtenu aucun résultat. Il y a tout de même une circulaire qui a, au moment où Laurent Fabius allait quitter le pouvoir, à l'initiative d'ailleurs de, semble-t-il, son directeur de cabinet, Louis Schweitzer, qui a acté un certain nombre de décisions. Mais il convient, je pense, d'écouter Benoît de Groult sur Antenne 2, le 27 avril 1984, pour donner le ton. En réalité, cette commission, elle a été créée pour mettre fin à une confusion, à un désordre dont on a des exemples tous les jours. Il y a quelques jours, on entendait parler de l'ambassade de Libye et de l'incident. Et certains journalistes ont dit « une policière a été tuée », un féminin très normal. D'autres ont dit « une jeune femme policier ». D'autres ont dit « un policier femme », ne sachant pas s'il fallait écrire « tuée » au masculin ou au féminin après. Un journaliste de France Inter, il y a quelques mois aussi, a annoncé « le compositeur Germaine Taillefer est mort ce matin, pardon, est morte ce matin. On est vraiment dans le désordre complet. Et puis on s'aperçoit, quand on s'intéresse à ces problèmes, que dans les métiers bas de gamme, pas trop prestigieux, eh bien le féminin est parfaitement accepté et on en forme tous les jours. On peut être la doyenne des Français si on est centenaire. Si on travaille pour un patron, on est la secrétaire. Mais alors dès qu'on arrive au niveau gouvernemental, le féminin est tabou, on devient madame le secrétaire d'État, et si on est à l'université, madame le doyen. Alors vraiment, il faut sortir de cette situation absurde. Malheureusement, par exemple, quand je dis « moi, je suis écrivaine », eh bien, la réponse générale, c'est « mais écrivaine, c'est pas possible, c'est affreux ». Alors ça, je mets au défi quelqu'un de me dire pourquoi écrivaine est plus laid que châtelaine, ou souveraine, ou contemporaine. En réalité, c'est une espèce de préjugé qu'on a contre ces formes féminines. Au Québec, où elles sont tout à fait usuelles, j'y ai passé 15 jours, au bout de 15 jours, je me sentais écrivaine, je trouvais ça normal. Et je suis sûre qu'ici, dans quelques années, quand les mots féminins vont être passés, parce qu'il faut bien que la réalité s'adapte, tout le monde rira des acrobaties que nous faisons pour éviter ce malheureux féminin. Je ne sais pas si on rit aujourd'hui, peut-être que oui, sur les acrobaties dont parle Benoît de Groult. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est le jeu des forces, parce qu'en face, effectivement, il y a l'Académie qui continue de dire, elle le dit toujours aujourd'hui, aucun texte ne donne au gouvernement le pouvoir de codifier de sa seule autorité le vocabulaire et la grammaire du français. De l'usage, seule l'Académie française a été instituée, la gardienne. Ça, c'est une mise au point d'octobre 2014. Oui, l'Académie continue à rappeler les statuts, dont les statuts de 1735 qui lui donnent mission de donner des règles certaines à la langue. Mais la question n'est pas là. Il s'agissait d'équiper le français de vocabulaire pour désigner les professions féminines. Rien de plus. Et le travail a été fort bien fait. Il est morphologique, en quelque sorte. Or, la commission Groult a eu contre elle, naturellement, l'Académie française, mais aussi toute la presse qui s'est gaussée. Et quand on relit les articles de l'époque sous des plumes autorisées, on voit comment la franche rigolade cache un mépris des femmes. Et je trouve que à 30 ans de distance, aussi bien Benoît de Groult que Brune Poirson ont une sorte de force tranquille pour rappeler qu'on doit, quand on a une profession et qu'on est une femme, avoir un titre féminin. Elles le disent très bien. Benoît de Groult avait tout dit depuis 1984 et il a fallu 30 ans de lutte pour arriver à faire changer l'usage. Il a fallu du temps aussi pour rappeler, et vous y contribuez dans votre livre, Bernard Cerchiglini, pour rappeler qu'il y a eu une période, plusieurs siècles en arrière, où la rigueur était bien moindre et où au contraire on laissait place à une grande inventivité de la langue, ce souffle de l'histoire. J'aimerais que vous le reconstituiez. Curieuse concordance des temps. Notre liberté lexicale actuelle, où tout le monde dit une ministre, une auteure, voire une autrice pour certains, rappelle la liberté du Moyen-Âge et de la Renaissance, où la morphologie féminine fonctionnait à plein, où les femmes recevaient des professions ayant un nom féminin. Et même dans le domaine crucial de la littérature, autrice, écrivaine est attestée régulièrement. Oui, je vois que Brantôme disait à propos de Catherine de Médicis, c'était aimable d'ailleurs à son égard, qu'elle n'était pas la première autrice de la Saint-Barthélemy en 1572. Oui, auteur au sens d'acteur latin, c'est-à-dire responsable. Les puristes ignorent l'histoire de la langue. C'est un de leurs principaux défauts. Quand on voit actuellement quelqu'un dire « mais écrivaine est un mot, un néologisme terrifiant », on l'a régulièrement. Déjà, je le vois dans le roman de Troyes en 1455 de Louis de Beauvais, vous l'avez relevé? Oui, bien sûr. Le mot est attesté. Que s'est-il passé? Eh bien, à partir du XVIIe siècle, d'abord dans le domaine littéraire, enfermement des femmes et exclusion des femmes. Et malheureusement, Molière participe à cette exclusion des femmes du champ littéraire. Elles ne doivent plus se préoccuper de littérature, elles ne doivent plus se préoccuper de langue. Et quand elles le font, elles sont ridicules. Les précieuses n'étaient pas ridicules, elles voulaient avoir leur langage. Alors je ne vais pas vous faire entendre les précieuses ridicules, mais les femmes savantes, ça va dans le même sens. Avec le fameux monologue de Chrysale qui dénonce effectivement les femmes qui ne savent pas s'en tenir aux soins du ménage. C'est à vous que je parle, ma soeur. Le moindre solécisme en parlant vous irrite. Mais vous en faites-vous d'étranges en conduite. Vos livres éternels ne me contentent pas. Et or, un gros plus tard qu'à Maître Mérabat, vous devriez brûler tout ce meuble inutile et laisser la science au docteur de la ville. Montez pour faire bien du grenier de Séan cette longue lunette à faire peur aux gens. Et sans Brimborion, dont l'aspect importune, ne point aller chercher ce qu'on fait dans la lune et vous mener un peu de ce qu'on fait chez vous. Nous voyons aller tous en dessous. Il n'est pas bien honnête et pour beaucoup de causes, qu'une femme étudie et sache tant de choses. Former aux bonnes mœurs l'esprit de ses enfants, faire aller son ménage, avoir l'œil sur ses gens et régler la dépense avec économie doit être son étude et sa philosophie. Nos pères sur ce point étaient gens bien sensés, qui disaient qu'une femme en sait toujours assez, quand la capacité de son esprit se hausse à connaître un pourpoint d'avec un autre chose. Les leurs ne lisaient point, mais elles vivaient bien. Leur ménage était tout leur docte entretien, et leurs livres, un dé, du fil et des aiguilles, dont elles travaillaient au trousseau de leurs filles. Les femmes d'à présent sont bien loin de ces mœurs. Elles veulent écrire et devenir auteurs. Une science n'est pour elles trop profonde et séant beaucoup plus qu'en aucun lieu du monde. Les secrets les plus hauts s'y laissent concevoir, et l'on sait tout chez moi. Or, ce qu'il faut savoir, on y sait comme vont Lune, Étoile polaire, Vénus, Saturne et Mars, dont je n'ai point affaire. Et dans ce vain savoir qu'on va chercher si loin, on ne sait comme va mon pot, dont j'ai besoin. L'interprète est Jean de Bucourt, en 1959, alors très fameux sociétaire de la Comédie française. C'est la scène 7 de l'acte 2. Les femmes savantes de Molière ont été créées en 1672. Et vous qui aimez tant Molière, je vous sens un peu réticent, je vous sens presque sévère sur la manière dont il a traité la situation de la femme à l'époque. J'ai la plus grande admiration pour l'auteur du Don Juan, du Misanthrope et du Tartuffe, mais comprends mal pourquoi il a participé à cette exclusion des femmes du domaine de la langue et de la littérature. Il y participe. Il donne d'elle un portrait qui est celui de ce que j'appelle l'enfermement. La femme doit s'occuper des enfants, de la cuisine, et surtout ne pas se préoccuper de choses littéraires. Ensuite, au XVIIIe siècle, elles sont exclues des fonctions publiques. J'ai au fond vérifié par l'histoire de la langue ce que les historiens ont montré de l'exclusion progressive des femmes, achevée par la Révolution qui donne toute liberté publique aux hommes et les autres aux femmes. Et ce qui apparaît au XIXe siècle, c'est ce que j'ai appelé le féminin matrimonial, dont c'est l'empire, c'est-à-dire qu'une femme n'existe que par rapport à son mari. Nous y reviendrons, mais auparavant, restons un instant dans cette période lointaine. Je pense en particulier à tout le monde de l'Église. Les religieuses, à l'époque, sont souvent dites générales, avec un E, supérieur de certaines congrégations. C'est le temps où on ironise aussi sur une éventuelle papesse. C'est intéressant parce que, bien sûr, on a au Moyen-Âge de nombreuses professions féminines. Elles sont toutes, naturellement, féminisées. Mais il y a aussi des fonctions éminentes. Au sein de l'Église catholique, des femmes ont des responsabilités générales de congrégation. Or, on constate que, sans exception, elles reçoivent un titre féminin. La clergesse ou la clergeresse religieuse. La moinesse, la boursière qui tient la bourse du couvent, la tourière naturellement, l'hostelière qui reçoit les étrangers. Et voir la papesse. Jamais, au grand jamais, on n'a employé le masculin à leur égard. Ce masculin que l'Académie nous dit intrinsèque à la langue et obligatoire. Dans le domaine politique, Anne d'Autriche a été régente, elle n'a jamais été régent. Ce masculin est tardif. C'est un masculin d'exclusion des femmes des professions éminentes. On peut même parler de la reine, puisqu'elle est définie dans le premier dictionnaire de l'Académie en 1694, soit comme femme du roi, soit comme princesse possédante un royaume de son chef. Exactement, et dans la même édition du dictionnaire, ambassadrice, femme chargée d'une ambassade. Louis XIV a donné des ambassades, c'est-à-dire des missions à l'étranger à des femmes. Saint-Simon les appelle ambassadrices. Dès la deuxième édition du dictionnaire de l'Académie française, ambassadrice devient épouse d'un ambassadeur. On verrouille. Et je suis désolé, dans l'édition actuelle en cours de préparation du dictionnaire, ambassadrice, épouse d'un ambassadeur. Nous y reviendrons avec une belle citation d'Alain Perfit, vous verrez. Mais pour rester un instant encore du côté Madame de Sévigné, on peut observer qu'elle disait que si on l'obligeait à ne pas dire « heureuse, je la suis », elle croirait avoir de la barbe. Molière, tout à l'heure, participait d'un grand mouvement d'exclusion des femmes de la langue. Que les grammairiens continuent en masculinisant la grammaire. Un bel exemple, c'est la reprise de l'adjectif. Jusqu'au XVIIe siècle, une femme dit « heureuse, je la suis ». Et encore dans Beaumarchais, je vois le mariage de Figaro. J'étais né pour être sage et je la suis devenue. Oui, car c'est naturel. C'est logique de dire cela. Or, Vaugelas, puis Bourg, puis les autres, les remarqueurs, les puristes, disent non. Il faut un pronom qu'ils appellent neutre, en fait c'est le masculin, et une petite anecdote assez amusante où Gilles Ménage parle avec Madame de Sévigné, qui lui dit, Gilles Ménage lui dit « je suis malade », et elle répond « je la suis aussi ». « Ah non, dit Ménage, vous devez dire « je le suis ». Et la marquise répond « si je disais ça, je croirais que j'ai de la barbe au menton ». On pourrait dire qu'actuellement, la féminisation des noms de métiers, titres et fonctions est en fait plutôt une démasculinisation de la langue. On revient à une pratique ancienne de liberté et de parité dans le langage. Alors il faut toujours regarder la longue durée, c'est notre habitude, notre raison d'être ici à cette émission, mais il faut aussi élargir la curiosité du côté de l'ensemble de la francophonie dont vous êtes toujours... Bernard Cerchilini, beaucoup occupé, vous êtes beaucoup mêlé, et en particulier du côté du Québec et de la Belgique, aujourd'hui que la francophonie n'apparaît plus comme franco-centrée, mais appartenant à tous ceux qui veulent bien s'y adonner. Dans un très beau discours prononcé le 20 mars dernier, sous la coupole, ce qui est assez paradoxal, le président de la République a dit « Le français s'est au fond émancipé de la France ». Magnifique formule que l'on peut vérifier avec la féminisation. Tout a commencé au Québec, à l'époque de la Révolution tranquille, où les femmes ont acquis des droits, et en particulier celui d'être nommées par un féminin. C'est passé ensuite en Belgique, en Suisse, et la France a bloqué pendant 30 ans. La féminisation, c'est un succès de la francophonie, c'est également un signe de la vitalité, du dynamisme du français mondial. Et au Québec, cela a accompagné la Révolution tranquille. Mais évidemment, les premiers travaux datent de la succès du parti de René Lévesque. On est dans les années 1970. 78, et un comité se réunit pour vérifier la pleine égalité des droits des femmes. Et ce comité bute sur la langue, comme en France, quelques années plus tard, et décide de féminiser le vocabulaire. On demande ce qu'il en est à l'Office de la langue française, qui répond tout simplement qu'il y a toute la morphologie pour cela. Ce qui est drôle, c'est qu'à la même époque, l'Assemblée nationale du Québec va élire une présidente et ne sait pas comment l'appeler, et donc demande un avis à l'Assemblée nationale française, qui répond par retour du courrier, ça sera Madame le Président. On est en quelle année ? On est en 78-79. Néanmoins, les Belges et les Québécois avancent. Du côté de l'Académie française, on explique que c'est une habitude américaine que de vouloir féminiser les mots. Or, ça ne peut pas être vrai. Marc Fumaroli a beaucoup insisté sur ce point. C'est un tragique malentendu. Car justement, le féminisme anglophone souhaite une neutralisation. Car les genres masculins et féminins sont beaucoup moins importants en anglais qu'en français. La perspective francophone, c'est au contraire de faire apparaître des féminins à égalité avec le masculin. Et par ailleurs, je rappelle que la source vient de la Révolution tranquille. Ça ne vient pas des campus américains, cela vient, je dirais, de « Vive le Québec libre et vive la liberté des femmes québécoises ». Je pense que Marc Fumaroli devrait être content d'apprendre cela. Et pour en venir au fond des choses, en somme, c'est-à-dire à la sociologie de cette histoire de la linguistique, je vais vous faire entendre le propos de la première femme qui a été ministre de plein exercice, c'est-à-dire Germaine Poinsot-Chapuis, ministre de la Santé publique dans le gouvernement de Robert Schuman de la fin de 1947. Je signale d'ores et déjà que non sans quelques misogynies cachées, François Mauriac s'était moqué d'elle plus tard, quand il y a eu un désaccord avec le MRP dont elle faisait partie, en citant Verlaine, était-elle brune, blonde ou rousse, je l'ignore, son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore comme ceux des aimés que la vie exila. Poinsot-Chapuis, vous allez juger si son nom est doux et sonore. On l'interroge naturellement quand elle accède à son portefeuille, on l'interroge sur la manière dont on doit l'appeler. C'est une interview de Raymond Marcillac du 27 novembre 1947, vous allez voir. Une femme vient d'être élevée au rang de ministre dans le cabinet de M. Robert Schuman. Il s'agit de Mme Poinsot-Chapuis, nouveau ministre de la Santé publique et de la Population. C'est la première fois en France qu'une femme obtient un portefeuille ministériel. La route avait été tracée déjà dès 1936 par M. Léon Blum, qui appela trois femmes dans son équipe. Mesdames Lacor, chargée de l'enfance, Brunschwig, chargée de l'enseignement technique, et Irène Joliot-Curie, chargée de la recherche scientifique. Mais ce n'étaient que des postes de sous-secrétaire d'État. En 1946, encore sous le ministère Léon Blum, Mme Viennot occupa le poste de sous-secrétaire d'État à l'éducation physique et au sport. En tant que premier ministre féminin de notre pays, nous sommes allés trouver Mme Poinceau-Chapuis à son bureau et nous avons été reçus par une femme aimable à qui la politique n'a rien fait perdre de sa sensibilité. Elle se prête de très bonne grâce à l'interview que nous allons lui faire subir. Tout d'abord, madame, j'aimerais éclaircir un point de détail. Comment doit-on s'adresser à une femme qui est ministre ? Je crois qu'il suffit de dire madame le ministre. Cette question m'est posée depuis 2 jours par tout le monde. Il y a des précédents, les professions qui étaient jusque-là réservées aux hommes sont toujours situées dans leur caractère masculin quant à l'appellation qu'on donne. On dit madame le procureur, madame le conseiller. Par conséquent, il me semble tout naturel qu'on dise madame le ministre. Vous avez remarqué qu'elle n'a rien perdu de sa sensibilité en accédant au gouvernement, Bernard Cerchiglini. De fait, et elle a, avec beaucoup de sensibilité, elle a bien compris le problème. Elle parle de profession réservée aux hommes jusqu'ici. Donc, on employait le masculin. Elle arrive par effraction. C'est une effraction. Première femme ministre, comme il y aura une première femme ambassadrice, procureur, comment se faire nommer ? Je les comprends, puisque le masculin désigne l'homme et le féminin l'épouse. La présidente n'est que l'épouse d'un président. Donc, elle bricole, madame le ministre. C'est un bricolage qui doit être provisoire. Il est contraire à l'idée de la langue. Il a duré, puisque le 16 octobre 1992, Le Monde, d'où le titre de votre ouvrage, Bernard Cerchiglini, le ministre est enceinte, on peut lire... Le ministre des Sports, c'était Frédéric Bredin à l'époque, Frédéric Bredin, le ministre des Sports qui est enceinte, n'a pu sauter en parachute comme prévu. Et ce qui est curieux, c'est que ce bricolage provisoire a été validé par les puristes et par l'académie sous forme de bon usage. D'où des productions linguistiques stupéfiantes. Le capitaine Prieur a été rapatrié car il est enceinte. Le capitaine Prieur, c'était, il faut le rappeler... Rainbow Warrior. Oui, un des deux agents secrets qui avait provoqué la double explosion de Greenpeace. Le capitaine Prieur était un des deux agents secrets. Tout le discours sur cette personne était au masculin jusqu'à ce qu'on dise que ce capitaine a été rapatrié car il était enceinte ou elle était enceinte. J'hésite parce que à quoi nous oblige le purisme ? C'est de l'acrobatie linguistique. On est en plein paradoxe. Les tenants de la clarté française, de la rigueur grammaticale, nous obligent à des constructions très curieuses, à ce que les grammairiens appellent une syllepse, c'est-à-dire un accord par le sens et non pas par les formes. D'où le titre de mon livre, « Le ministre est enceinte, car c'est ainsi qu'on devrait dire ». Eh bien, dans le même sens, je reproduis ce que vous citez avec une certaine jubilation à propos de Angela Merkel en 2005, élue à la chancellerie berlinoise. Le Figaro jongle avec la formule « la première femme chancelier, la chancelier, pas encore la chancelière ». Et on s'aperçoit que ce n'est pas tenable parce qu'une correctrice vient relever cette phrase « chaussée d'escarpins à talons aiguilles ». Et vêtu d'un coquet tailleur rose, le chancelier allemand a serré la main de Jacques Chirac. Vous commentez, c'est du joli. C'est du joli. Ce que les puristes ne comprennent pas, c'est qu'avec les mots, on fait des phrases. Et dans les phrases, il y a des accords, il y a des anaphores, il y a des reprises. Comment va-t-on faire quand l'Académie française annonce avec tristesse le décès de notre confrère Assiad Jebar, virgule décédé, et ainsi de suite. Mais ça a bougé, puisque quand Simone Veil est morte, on a mis décédé E. Il y avait un progrès. Voilà, décédé E. Mais notre confrère, alors que le mot consoeur figure au dictionnaire. C'est-à-dire que l'imposition du masculin n'est pas seulement un choix lexical, c'est un choix syntaxique, et ça c'est très grave, car le purisme nous oblige à rompre avec les règles de base du français, qui sont les accords en genre et en nombre, les reprises anaphoriques, ainsi de suite. On peut néanmoins trouver une certaine indulgence si on constate que ce purisme aboutit à du cocasse, qui est très réjouissant. Encore un exemple. La présidente de la République d'Irlande étant venue en France le 7 septembre 1997, Le Monde écrivait « Le chef de l'État, accompagné de son époux », et ça n'était pas un hommage anticipé, naturellement, au mariage pour tous. Et je comprends la difficulté des journalistes et à pratiquer ce genre de choses, ce qui explique que Le Monde, assez tôt, a pris la décision, mais après de nombreuses discussions internes, de féminiser. Et j'ai su depuis que Le Monde a reçu des paquets entiers de lettres de protestation. Mais ce journal a tenu bon. En revanche, Le Figaro a féminisé tardivement, mais il a féminisé. Ce qui prouve d'ailleurs que la féminisation est maintenant d'usage. Puisque Le Figaro a cédé, c'est ça que vous voulez dire. J'en viens à penser que la féminisation est le nouveau bon usage. Pour être fair play, il faut donner la parole à l'Académie française. Écoutez, cette déclaration qui date du début des grandes batailles, 1984, le 14 juin, déclaration de l'Académie française en séance. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Le français connaît deux genres, traditionnellement dénommés masculin et féminin. Ces vocables, hérités de l'ancienne grammaire, sont impropres. Le seul moyen satisfaisant de définir les genres du français eu égard à leur fonctionnement réel consiste à les distinguer en genres respectivement marqués et non marqués. Le genre dit couramment masculin est le genre non marqué, qu'on peut appeler aussi extensif en ce sens qu'il a capacité à représenter à lui seul les éléments relevant de l'un et l'autre genre. Quand on dit « tous les hommes sont mortels », cette ville compte 20 000 habitants, tous les candidats ont été reçus à l'examen, etc. Le genre non marqué désigne indifféremment des hommes ou des femmes. Son emploi signifie que dans le cas considéré, l'opposition des sexes n'est pas pertinente et qu'on peut donc les confondre. En revanche, le genre dit couramment féminin est le genre marqué ou intensif. Or, la marque est privative. Elle affecte le terme marqué d'une limitation dont l'autre seul est exempt. À la différence du genre non marqué, le genre marqué appliqué aux êtres animés institue entre les sexes une ségrégation. Il en résulte que pour réformer le vocabulaire des métiers et mettre les hommes et les femmes sur un pied de complète égalité, on devrait recommander que dans tous les cas non consacrés par l'usage, les termes du genre dit féminin, en français, genre discriminatoire au premier chef, soit évité. Et que chaque fois que le choix reste ouvert, on préfère pour les dénominations professionnelles le genre non marqué. Déclaration faite par l'Académie française en séance du 14 juin 1984. Alors là, nous avons besoin, Bernard Cerchiglini, d'un commentaire, d'une explication du linguiste que vous êtes. D'abord, la formule « marqué, non marqué », cela remonte à quand ? C'est une formule utilisée par la pensée et la linguistique structurale. Curieusement, à cette époque, l'Académie, pour justifier son opposition à la féminisation, demande à deux de ses membres, des éminents professeurs, Georges Dumézil et Claude Lévi-Strauss, de justifier scientifiquement. Et ce qu'on a entendu est de leur plume et passe par l'idée du cas marqué, cas non marqué pour montrer le triomphe du masculin. Mais ça ne va pas. D'abord, ils parlent de ségrégation pour le cas non marqué, ce qui n'a jamais été dit en linguistique. Et le mot ségrégation a tout de même un sens à cette époque. D'autre part, ils aboutissent à l'idée que le masculin vaut pour tout. Et réponse à la commission Gros, vous manquez de féminin, prenez des masculins. Ce qui est un peu paradoxal. Tout en disant, c'est Dumézil qui s'exprime, le masculin ne conquiert pas l'autre sexe, il efface le sien. Oui, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a la bonne vieille misogynie repeinte aux couleurs de la science structurale. C'est étonnant. Et implique aussi une méconnaissance de la langue. Quand l'Académie cite « Tous les hommes sont mortels, les habitants d'une ville », il s'agit de pluriel. Dans ce cas-là, au pluriel, bien sûr, le masculin peut avoir une fonction générique. Mais la question, c'est de savoir comment on va appeler cette personne particulière qui est à la tête d'un ministère. C'est une personne réelle, spécifique. Il faut du spécifique. Et dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser du générique masculin. Il faut donc bien un féminin. Elle est la ministre, la procureure, la professeure. Vous distinguez, vous donnez l'exemple de suivant, les Français sont par moments anti-parlementaristes. Et à un autre moment, les Français, en se rasant, songent au Parlement de façon négative. En effet, c'est un emploi du masculin dans un contexte précis. Si je dis 52% des Français qui pratiquent le sport régulièrement, on a là du générique. Peu importe savoir leur sexe. Mais si j'ajoute « n'ont aucun problème avec leur prostate », alors là, on revient au masculin. Il y a donc, et c'est très riche, un emploi très intéressant du masculin au pluriel, voire au singulier, un homme sur deux est une femme, mais pour le conceptuel, le général, le générique. La question qui est posée, c'est de savoir si Madame Chassagne, nommée à la tête de la préfecture de l'Eure-et-Loir, est la préfète ou le préfet, et ça c'est du spécifique et du concret, et on ne peut lui imposer du masculin. Vous évoquez la première préfète nommée sous Mitterrand dans ce poste-là. Et elle a eu beaucoup de mal à trouver une nomination. Et je crois qu'elle a aussi bricolé à l'époque Madame le Préfet. Et vous observez que le mot préfète, supposé très laid du côté des adversaires, en réalité est accepté quand on dit une fête qui précède l'autre, une préfète. En effet, ce qui est très curieux, c'est que la néologie paraît dissonante en français. Mais pour des raisons qui sont liées à soit un mépris social, soit une volonté de ne pas voir les femmes accéder à ces postes. Quand vous, j'en ai fait l'expérience, vous invitez quelqu'un à une fête, voire quelques jours avant à une préfète, il n'y a aucun problème. En revanche, on a trouvé à l'époque qu'une préfète était très laid, une ambassadrice. Récemment encore, j'ai entendu quelqu'un me dire une ministre, comme c'est vilain. On a même lu une écrivaine, vaine, c'est très négatif, vaine. D'autres ont répondu, attendez, mais dans écrivain, il y a aussi le mot vain, et ça ne vous gêne pas? Certainement. J'ai parlé de néologie dissonante. Il est vrai que le mot écrivaine, bien qu'il soit ancien dans la langue, paraît nouveau. Et donc, quand on entend la rime écrivaine, vaine. Alors qu'on n'entend plus la rime écrivain vain. Mais il suffit de s'y habituer. Quand le mot aura été mis en circulation, on ne pensera plus qu'une écrivaine est vaine, ou qu'une ministre est laid, ou qu'une préfète est dissonant. Simplement, c'est très curieux. Les Français qui adoptent trop aisément des mots anglais ont du mal à adopter des mots français bien formés. Je me suis occupé longtemps de production terminologique et j'ai vu comment on avait du mal à faire circuler des mots bien formés. Vous savez, logiciel lui-même qu'on emploie tous les jours a fait sourire quand on l'a créé. Les ordinateurs, certains tendaient à parler de computer en français. Je vous rejoins quand vous dites qu'il vaudrait mieux exercer sa sévérité, sa méfiance envers les mots trop promptement adoptés de l'extérieur et qui pourraient aisément être remplacés par des formulations françaises. Par des mots de l'intérieur bien formés. Il y a d'ailleurs une commission qui s'en occupe. Courriel finit par s'imposer à la place de email. Il faut dire que ce n'est pas plus long. Courriel est très bien, comme logiciel s'est imposé, comme beaucoup de mots, mais ce n'est jamais très aisé. C'est très curieux, la néologie, alors qu'elle est bien formée et elle est utile, il est important de montrer que le français est capable de dire la science moderne et le monde contemporain. Louis-Sébastien Mercier, que nous aimons beaucoup dans cette émission, avait publié un livre qui s'appelait Néologie à la fin du XVIIIe siècle. Et Louis-Sébastien Mercier s'étonne que, alors qu'on est à une époque d'expansion extraordinaire du vocabulaire français, c'est l'époque de l'encyclopédie, on soit si frileux par rapport aux mots nouveaux. Et l'Académie, à l'époque, a de longs débats sur l'admission de termes qui sont pourtant fondamentaux et de tous les jours. Je reviens, logiciel a fait beaucoup sourire. Tout le monde pense aujourd'hui que c'est un mot de la langue et que personne ne l'a inventé. De la même façon, on se moque, par exemple, de l'idée qu'on puisse parler de cafetière pour la femme d'un cafetier ou pour celle qui tient un café, alors qu'en disant « mais c'est à la fois l'objet et la personne », c'est pas possible, alors qu'on a oublié que cuisinière, c'est également l'objet et la personne. Rédigeant ce livre, j'ai découvert les défauts du purisme. Ils sont nombreux. Ignorance de l'histoire de la langue, ignorance de son fonctionnement sémantique, le générique et le spécifique dont j'ai parlé, ignorance aussi de la polysémie de la langue. On nous dit « mais vous ne pouvez pas dire une cafetière car le mot est déjà utilisé pour désigner un ustensile ». Oubliant que la cuisinière désigne à la fois la profession et le fourneau, et que le principe de la langue, c'est la polysémie et le changement linguistique. Un exemple, au XIXe siècle, étudiante, dans les romans, dans la presse, dans les dictionnaires, n'a qu'un sens. Je cite Littré, « grisette du quartier latin, petite amie d'un étudiant ». Et notre grand ami Pierre Larousse, à cette plaisanterie un peu désagréable, il dit « on les appelle étudiantes car elles empêchent les étudiants d'étudier ». On trouve souvent d'ailleurs, dans ces temps-là, quelque chose d'un peu gras chez les adversaires de... Les adversaires de la féminisation donnent dans la gaudriole gauloise un peu grasse. Et l'étudiante à l'époque, c'est la petite amie, cette petite ouvrière qui distrait l'étudiant, qui souvent est séduite et abandonnée, c'est Fantine des Misérables. Mais quand les filles ont enfin eu le droit de faire des études supérieures, elles ne se sont pas dit « ah, quel dommage, le mot est déjà pris, il désigne une pauvre petite ouvrière abandonnée ». Elles ont pris le terme et elles se sont appelées étudiantes. Une cafetière a deux sens, mais après tout, on oublie que le masculin aussi. Si une dame dit « tiens, j'ai été séduite par un joli petit secrétaire, par un joli petit tailleur. Même chose, par un financier croquant, par un cadre luxueux. La polysémie est aussi au masculin, mais cela, on ne le dit pas. On interdit aux femmes de féminiser au nom d'un monosémantisme de pacotille. Un peu dans cette ligne, vous allez voir comment cette interview de Jean Dutour... en mars 1998, c'est un extrait d'Intersoir qui commente la circulaire de Lionel Jospin dont nous avons parlé en commençant. Vous allez voir que cette interview restitue un moment et vous pourrez le commenter. En cette journée de la femme, n'hésitons pas à secouer le prunier de nos certitudes grammaticales. Ainsi, et n'en déplaise aux esprits modernes de l'Académie française qui ont déjà protesté au sujet de l'appellation « Madame la ministre », le gouvernement persiste et signe. Le journal officiel publie aujourd'hui, 8 mars, une circulaire appelant ministère et secrétariat d'État à recourir à l'emploi du féminin pour les noms de métiers, de fonctions, de grades ou de titres, circulaire signée par le Premier ministre. Alors illustration, si après Lionel Jospin, c'est une femme qui est nommée à Matignon, eh bien il faudrait dire en toute logique, Madame la Première ministre. L'exemple vaut ce qu'il vaut, mais il a le mérite de déclencher une nouvelle fois une vive réaction d'un membre de l'Académie, en l'occurrence Jean Dutour, interrogé par Corinne Audouin. Pourquoi pas le Premier ministre, Madame le Premier ministre? Pourquoi, enfin, c'est idiot. Monsieur la boulangère, peut-être, un jour ou l'autre. C'est des bêtises, tout ça. Jospin, entouré de toutes ses femmes, est comme un pacha dans son sérail. Et ses femmes le bassinent. Alors, comme tous les hommes, comme tous les pachas, il canne. D'autant plus que ses petites satisfactions d'amour propre, qu'il leur donne, ne coûtent pas cher. Seule la grammaire en prend un coup, mais qui s'en soucie à part l'Académie française? Mais qu'est-ce qu'elles veulent exactement? Je comprends pas. Elles veulent être masculines ou elles veulent être féminines? Je trouve que c'est absurde tout ça. Il y a le français, la langue française d'une part, et puis il y a le pouvoir de l'autre. Pourquoi vouloir absolument plier la langue française? Ben, des petites niaiseries du pouvoir. Il y a un genre féminin, un genre masculin, et puis voilà. Le genre féminin n'est pas inférieur au genre masculin. Vous pensez qu'il a fait ça uniquement pour leur faire plaisir? Oh, ben, évidemment, tiens. Il n'aurait jamais inventé tout seul. Il n'aurait jamais inventé ça tout seul. C'est pathétique. La déclaration de Dutour est inconvenante pour le Premier ministre, elle est humiliante pour les femmes et elle est incohérente. Si, comme dit Jean Dutour, il y a deux genres à égalité, eh bien, appliquons-le et disons « Madame la Première ministre ». Vous considériez récemment ce grand thème que nous évoquons ce matin, c'est-à-dire la féminisation des mots et les combats contre elle, au micro de Adèle Vendrette, du point de vue philosophique. Du point de vue historique, il y a une permanence des comportements qui ne peut pas ne pas frapper. Vous évoquez le terme d'ambassadrice. Je voudrais citer Alain Perfit de l'Académie française qui, en 1984, s'inquiétait de l'évolution du mot. Faut-il dire Madame le Préfet, Madame l'Ambassadeur, ou bien Madame la Préfète et Madame l'Ambassadrice, terme, disait-il, réservé jusque-là à la femme du Préfet ou de l'Ambassadeur. Les gommera-t-on alors que leur rôle est si important dans une ambassade ou une préfecture ? Fin de citation. Alain Perfit est très attentif au rôle que les femmes ont joué pendant un certain temps auprès de leur époux ambassadeur. C'est ce que j'appelle le féminin matrimonial. Seuls les hommes étaient ambassadeurs et on attendait de leurs épouses qu'elles fussent une sorte d'auxiliaire gratuit s'occupant de la décoration et d'accueillir les invités. Et par suite, l'ambassadrice, c'était à une époque, l'épouse. Mais on ne peut pas considérer cela comme un usage intemporel. Il y avait d'ailleurs chez Mercier, on disait que la maréchale de Guébriand avait été la seule femme qui, de son chef, ait eu la qualité d'ambassadrice. Mais bien sûr, fin du 18e. Dans l'histoire de la langue, ambassadrice a d'abord désigné des femmes chargées d'une ambassade, puis, au moment de l'exclusion des femmes de la fonction publique, époque du féminin matrimonial, elle n'était plus que l'épouse. D'où, quand des femmes enfin sont nommées à la tête d'une ambassade, la difficulté de les appeler. Puisque l'ambassadrice est l'épouse, elle bricole, je l'ai dit tout à l'heure, Madame l'ambassadeur, mais ça ne peut pas durer. Et un bon usage s'installe, qui est l'ambassadrice. Au fond, l'histoire de la langue positive, par ses attestations, valide ce que les historiens ont montré dans leurs ouvrages sur le statut de la femme, ce que j'appellerais le grand enfermement de la femme à partir du XVIIe dans le domaine de la littérature et ensuite au XVIIIe dans le domaine de la fonction publique, avec une grande difficulté à leur redonner encore les fonctions légitimes. C'est tardif, je parlais tout à l'heure de l'enseignement supérieur, ouvert aux femmes seulement au XIXe siècle. Sans parler des préfectures des ambassades, il a fallu attendre la deuxième moitié du XXe siècle. Et tout cela se montre dans la langue. L'erreur du purisme, c'est de considérer que on a un bon usage intemporel. Et que de toute éternité, à l'imperfite, l'ambassadrice est l'épouse de l'ambassadeur. Eh ben non. Vous écrivez dans votre livre, le féminin matrimonial est une remarquable image linguistique du statut de la femme, cantonnée à la sphère privée et à ses activités domestiques, éducation des enfants, soins du ménage, n'accédant au domaine public masculin que via son mari. Et comme épigraphe de votre livre, vous avez choisi, j'ignorais ce propos, la mère de Paul Claudel et de Camille Claudel, qui écrit à Camille, tu ne vas tout de même pas exercer un métier qui n'a pas de féminin. Sculpteur, sculptrice. Vous rendez compte. Préparant ce livre, j'ai été frappé par l'empire du féminin matrimonial. Il touche beaucoup de professions. Cela en dit long sur l'exclusion des femmes, la sculpture, la poésie, la littérature, les ambassades, les préfectures. Et de fait, on voit bien comment la femme est peu à peu réservée à l'alcôve et à la cuisine. Et c'est une lutte violente qui leur permet d'accéder à des professions et du coup d'accéder au vocabulaire. Mais cela prend plus d'un siècle. C'est maintenant enfin que la parité sociale et professionnelle est traduite dans la langue. Madame de Sévigné s'en serait indignée. Elle pourrait avoir de la barbe. Oui, certainement. Certainement, je pense que elle se serait indignée. Et je comprends l'indignation de Madame Brune Poirson il y a 10 jours. Comment peut-on encore l'appeler Madame le ministre, ostensiblement, comme le fait Gérard Longuet? Elle avait peut-être lu Jules Renard. Oh, j'adore Jules Renard et je regrette qu'il ait écrit ce que je cite en épigraphe de mon livre. Les femmes cherchent un féminin à hauteur, eh bien il y a Bas-Bleu. C'est joli et ça dit tout. À moins qu'elle n'aime mieux plagiaire ou écrivaine, la rime n'aurait rien d'excessif. Fin de citation de Jules Renard dans son journal. L'autre découverte de la préparation de mon livre, c'est l'épaisse misogynie de tous ces messieurs. Au XIXe siècle, bien sûr, mais encore à l'époque de la commission Groux, relisez la presse sous les plumes les plus autorisées. Je peux citer 84. Bruno Frappa, qui fut rédacteur en chef du Monde, puis de La Croix, et qui se moque de ces femmes qui veulent devenir cheftaines de la République, et ainsi de suite. C'est tout à fait étonnant. C'est-à-dire que il y a là une gaudriole un peu épaisse, vous en parliez tout à l'heure, insupportable car elle est méprisante. Et je rends hommage à toutes ces femmes, Benoît de Groux, Yvette Roudy, Ségolène Royal, Elisabeth Guigoum, Marie-Georges Buffet, qui ont eu beaucoup de courage pour simplement imposer le féminin de leur titre ministre. Elisabeth Guigou, quand elle accède à la chancellerie en 97, pose comme évident qu'on parlera de la garde des Sceaux. Et puisque vous évoquez Ségolène Royal, écoutons sa voix. En 1996, c'est un extrait de l'émission « À mots découverts » sur Radio Bleu. Elle est interviewée par Sylvie Nicolet. Dans la revendication d'égalité entre hommes et femmes, je crois que le fait même que le vocabulaire ne nous reconnaisse pas le droit à féminiser nos titres, sous prétexte, qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée? C'est qu'un titre qui se féminise se dégrade, au fond. Et ça, je crois que c'est insupportable, c'est inacceptable, c'est même humiliant. Lorsqu'encore aujourd'hui, à l'Assemblée nationale française, on refuse aux femmes le droit automatique à mettre un E à leur nom de député ou les appeler la députée, c'est tellement simple. Vous racontez que, bien que vous avez fait donc une demande tout à fait officielle pour justement cette féminisation du titre de députée et que le président de l'Assemblée nationale vous a fait une réponse, une drôle de réponse, oui, c'est vrai quand même. Oui, une réponse un peu méprisante, vous avez noté en disant « mais c'est bien important ». C'est-à-dire que pour que les femmes gagnent certains combats, il faut que les hommes d'abord reconnaissent que c'est important. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que cette féminisation des titres repose sur une circulaire qui existe déjà, mais qui n'est pas appliquée. Mais je veux dire, au-delà de ce qui peut paraître anodin, j'ai toujours pensé que, au fond, le vocabulaire était porteur aussi de valeurs et d'idées. Et que ce refus de féminiser le vocabulaire dès lors que les fonctions deviennent importantes est le signe que l'on marginalise encore les femmes et qu'on les considère comme un accident de l'histoire. C'est si vrai, et une fois de plus, la France est encore en retard par rapport aux autres pays. Et ça, je crois que c'est insupportable. La France a été le dernier pays d'Europe à donner le droit de vote aux femmes. La France a été est le pays le plus en retard pour la place des femmes à l'Assemblée nationale. Nous sommes moins de 6%, c'est-à-dire moins que des pays comme la Turquie, par exemple, ou moins que certains pays islamistes. Et la France est le dernier pays à refuser aux femmes la féminisation des titres qui est pratiquée depuis très longtemps dans les autres pays européens. Alors, parfaitement raison. Parfaitement raison. Là aussi, j'ai envie de parler de force tranquille de la part de ces femmes qui, tranquillement, imposent leurs titres. Vous citiez tout à l'heure Elisabeth Guigou, garde des Sceaux. Je rappelle qu'à l'époque, l'Académie française se moquait en disant « est-elle la gardienne ou la gardeuse des Sceaux ?» Alors que le masculin garde des Sceaux a un féminin très simple, la garde des Sceaux. Vous parlez de la garde des enfants. Mais bien sûr, naturellement, on voit bien. On est très loin du temps où Georges Dumézil, 84, faisait un article ironique en disant « Et quoi, on va être amené pour la femme du Premier ministre, Laurent Fabius ?» Tu as parlé de Madame Fabia ? Oui. Comment un spécialiste des langues comme Georges Dumézil peut dire de telles sottises ? On voit que la misogynie leur fait perdre la raison. Et j'ai été désolé de voir des expressions sous la plume de Lévi-Strauss, Marc Fumaroli, Georges Dumézil. Scandaleuse. Marc Fumaroli, toujours ce regard sociologique sur la situation de la femme dans la société, substituons à la cohérence actuelle une cohérence de revanche, l'idée de la revanche des femmes et du féminisme, légalisons sans frémir ces mots que les femmes avaient jusqu'ici refusés avec horreur, notairesse, mairesse, maîtresse de conférence, doctoresse, chefesse, écoutez bien, parce qu'ils riment fâcheusement avec fesse, borgnesse, et drôlesse, n'évoquant la duchesse que de très loin. Tranchons entre recteuse, rectrice et rectale. Mon Dieu, tout de même, je crois qu'une analyse psychologique devrait se substituer à mon travail de linguiste. Ce n'est pas notre rôle ici. Terminons, si vous le voulez bien, Bernard Cerchilini, par un mot sur l'écriture inclusive. Est-ce qu'elle s'installe dans le prolongement de tout cela, ou est-ce que elle vous paraît comporter des inconvénients? Je sais qu'elle vous paraît comporter des inconvénients puisque vous en rejetez le principe après le Premier ministre Édouard Philippe. Oui, dans une circulaire tout à fait remarquable d'ailleurs et favorable à la féminisation qu'on a mal interprété. Il s'agit d'une notation très technique pour moi, qui est bonne pour les offres d'emploi ou pour les circulaires. Mais elle a deux défauts. D'abord, il faut faire confiance à la langue. Il y a dans la langue tout ce qu'il faut pour fabriquer des féminins quand on en a besoin. et pour qu'on dise tous les candidats et toutes les candidates. Je chers auditeurs, chères auditrices. Par exemple, française, français, comme faisait le général de Gaulle. Et par ailleurs, je m'inscris dans un courant qui date quand même de la Renaissance, favorable à la grande diffusion des textes et donc à la simplification de leur expression à une orthographe simple, à une expression transparente. Or, l'écriture inclusive est difficile à lire, à oraliser, à enseigner. Et malheureusement, elle atteint pas son objectif. Il faut que le texte circule, soit lisible et ne pas le compliquer. D'où ma réticence et je préfère la reduplication quand elle est nécessaire. Tous les voyageurs sont appelés à descendre, pas nécessaire. Mais tous les candidats et toutes les candidates doivent passer une épreuve de lancer du poids, oui. Vous voyez, faisons confiance à la langue et à ses locuteurs et locutrices. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Bernard Cerchiglini, je vous remercie d'être venu à ce micro pour parler de ces choses qui ne s'expliquent décidément que sous le regard du long terme. Le livre que j'ai beaucoup évoqué, qui était à la base de cette émission, s'appelle « Le ministre est enceinte ». Sur la couverture, vous avez rayé « le » pour mettre « là », ou « La grande querelle de la féminisation des mots ». C'est une publication des éditions du Seuil. Je voudrais signaler aussi un livre qui a fait moins de bruit, mais qui mérite toute l'attention, qui s'appelle « L'invention de Nittard », paru tout récemment également aux éditions de Minuit. De quoi s'agit-il ? D'un essai d'érudition lyrique. J'ai travaillé il y a un quart de siècle sur l'auteur des Serments de Strasbourg et Nittard. C'est le premier à avoir utilisé le français pour écrire quelques lignes au milieu du 9e siècle. Et donc je m'étais intéressé à cet homme et par le plus grand des hasards, j'ai appris qu'on avait découvert ses restes. Et j'ai été face au crâne fracassé de Nittard. On a fracassé le crâne d'un linguiste ? Oui, oui, en 1844, heureusement. Et cela m'a donné une forte émotion, une compassion telle que j'ai repris son texte. Je crois l'avoir compris de l'intérieur et du coup, je crois avoir résolu une énigme qui a quand même quelque importance. C'est pourquoi s'est-on mis à écrire en français en 842 ? Et la solution, elle est dans le texte de Nittard, qui est donc pour moi l'inventeur de la langue française, de la littérature française, de la francophonie et de la politique linguistique. Je lui rends hommage. Quant aux combats, aux affrontements que nous avons évoqués, il existe un livre utile qui s'appelle « L'Académie contre la langue française, le dossier féminisation » paru aux éditions IXE en 2015. Les auteurs sont Maria Candéa, Yannick Chevalier, Sylvia Duverger, Anne-Marie Houdebine et Eliane Viennot. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète sur notre site, vous le savez, mes chères auditrices et mes chers auditeurs, sur notre site et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guérou, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec Julien Calvas à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Véronique Jolivet pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel. Vous venez d'entendre l'émission « Féminiser les mots », portée d'une querelle avec Bernard Cerchiglini, diffusée pour la première fois le 1er décembre 2018. La semaine prochaine, nous nous retrouverons pour une émission consacrée à Erasme l'Européen, avec Marie Barral-Baron.